Le visage du père Goriot, qui s'était allumé comme le soleil d'un beau jour en entendant l'étudiant, devint sombre à cette cruelle observation de Vautrin. « Eh bien, dit Madame Boquet, où donc est votre aventure? Lui avez-vous parlé? Lui avez-vous demandé si elle venait apprendre le droit ?»« Elle ne m'a pas vu, dit Eugène, mais rencontrer une des plus jolies femmes de Paris, rue des Grès, à 9 heures, une femme qui a dû rentrer du bal à 2 heures du matin, n'est-ce pas singulier? Il n'y a que Paris pour ces aventures-là. » « Bah, il y en a de bien drôles !» s'écria Vautrin. Mademoiselle Taillefer avait à peine écouté, tant elle était préoccupée par la tentative qu'elle allait faire. Madame Couture lui fit signe de se lever pour aller s'habiller. Quand les deux dames sortirent, le père Goriot les imita. « Eh bien, l'avez-vous vu ?» dit Madame Vauquet à Vautrin et à ses autres pensionnaires. « Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là. »« Jamais on ne me fera croire !» s'écria l'étudiant. Que la belle comtesse de Restaud appartienne au père Goriot. Mais, lui dit Vautrin en l'interrompant, nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. À ces mots, Mademoiselle Michonneau regarda Vautrin d'un air intelligent. Vous eussiez dit un cheval de régiment entendant le son de la trompette.